Il y a une question que je me suis toujours ménopausée. Qu'est-ce qu'ils font, les petits vieux, le dimanche après-midi, lorsqu'ils ne regardent pas la télé? J'imaginais bien les corrompus par les années, les vieux tatouages purinés, les vieux membres accrochés dans les rats couleur pipi. Et ça glisse, et ça glisse, et ça glisse même plus. Et ça glisse même plus. Bref de cliché, j'ai voulu crever de mystère. Je suis entré dans la chambre, mais ils m'ont pas entendu. Ils sont sourds comme des pots. Ils sont sourds, oui ils sont sourds. Pas de quartier pour les vieux, pas de quartier. Frappe, frappe, frappe mon cœur. Frappe, frappe, frappe plus fort. Pas de quartier pour les vieux, pas de quartier. Pas de quartier pour les vieux, pas de quartier. La luce artificielle sur le lit, sur les murs. Et ça dégouline, et ça dégouline même du plafond. Inondation de caca à toute bombe. Tu te laisses sur le vieux chat.